te souhaite bon appétit. Si t'as quelque gros dans la part du gâteau, c'est pour mes deux culs rebeux et négros qui vont au charbon. Un conseil sur tes rats, faut agir si tu veux pas te manger des coups de crampon. Ici, c'est nos joies sur oise, c'est pour mes reilles qui s'en sortent même poursuivis par la poisse. Dis-moi combien voudrait pas qu'on se croise, dis-moi combien se voient de la face ou bien s'invente à leur passé. Moi je m'en bats les couilles de ton passé, sur le terrain je suis prêt à tout casser. Des poucs avec des coups de crasse, y'en a assez. C'est le 6Z avec les frères, on va s'ambiancer. Ferme ta gueule, j'ai pas besoin d'un gun, mets un mic pour faire agiter la foule. T'inquiète pas pour nous, on se débrouille. Encore d'embrouille, je garde toujours mes coronets. C'est pas comme certains qui font semblant de ne pas t'avoir vu ni entendu et qui te laissent. Sur ce sommet, je laisse une dédicace pour les frères sous écrou. Caner, Akan, HS. Play dans ta caisse, play dans ta caisse. La bâtite, play dans ta caisse, play dans ta caisse. Criminel réseau, play dans ta caisse, play dans ta caisse. Prends tout et si ça me haine, play dans ta caisse. Mes rimes circulent comme des kilos de cesse. Les coups durs, j'encaisse. Les étapes, je les enchaîne. Je débarque avec un flow qui vient de braquer. Pour tous ceux derrière moi et mon équipe, je mets le paquet. Pas possible de craquer, pas envie de me retrouver au taquet. Putain, marre, c'est faux qui nous entourent des mauvais oeils envers nous. Viens pas chercher ton recueil, mets tête au cercueil. C'est loin street, soit tu croques dans le bise ou dans le bif. Peu importe les risques, moi et mon équipe au pied pour la chalice. Tout en essayant de contourner le heps, même en temps de hess. Ça charbonne pour la mif comme la badomie. C'est loin street, soit tu croques dans le bise ou dans le bif. Peu importe les risques, moi et mon équipe au pied pour la chalice. Tout en essayant de contourner le heps, même en temps de hess. Ça charbonne pour la mif comme la badomie. Je commence le crime sans chrome, juste moi et le chromie. Quand tu dois, l'homme se sent criminel alors qu'il ne l'est pas. Mais quand t'es dû, tu te retrouves dupé pour de l'argent sale entubé pour de la poucave. Beaucoup de putains se prennent pour des racailles. Rien dans le fut, tout dans la langue de pute. Première occasion, espère ta chute. J'abaisse mon fut que pour des tasses de luxe. La rue me fait la course, j'l'occupe le jack et le Z. Là, est sponsor de ma thèse. Le 60 pro, criminel t'agresse cru. Vocalement, écoute le son de la bas en guise de calme. En ice, mon glisse, nos vies. Même si on rêve toujours plus de réalisme. Pendant que les miens purgent des peines pour des plaquettes de guise. Et pour l'instant rêve d'un salaire grossisse. Car l'argent sale est notre marque de fabrique. Chez nous le bruit ça sert peu. Représente de cure vers KPE. Avec du sky dans le coco pour fêter le retour d'un frère sorti du trou. Ça sert à rien tourner autour du pot, on est visé. Plutôt de couleur foncée. Je me demande combien de poucas vont pu cracher le morceau. Dans le 60, des gros gros. Peu d'escrocs gros, ouais, si mène prêt tout au chromie, ouais, aïe. MC Bob, Islam, Fefe, Diarco, Jbagiz l'ancien, Yannis, Racho, Pac, Adam, RNS, Joba, Joki, Toumi, R.I.Y, Y Star, Adams, V.I.S.L.A.B, aïe. Chon, Nadir, Zeli, Tuji, ouais, tous mes sauce caps. T'es marié, boy. Oh, ouais.